Après la mort de Christine, ma mère Zoraïda tomba en dépression. Un fardeau qui la mena au bord du précipice. Flavio, mon père, en rentrant du travail, préparait les repas, s'occupait d'Ina et de moi, et la forçait à manger pour qu'elle ne meure pas. Des années plus tard, en triant divers papiers, j'ai découvert deux poèmes que mon père avait écrit et encadré sur du parchemin dans son bureau. J'en ai corrigé la métrique et ils font partie. Ce livre dessine à la mort, les inspire secrètement. Des mots qui ont illuminé mon enfance, insufflant la foi qui est aussi la beauté. Et ils font partie de ce livre, dessine à la mort, les inspire secrètement. Des mots qui ont illuminé mon enfance, insufflant la foi qui est aussi la beauté. J'en ai corrigé la métrique et ils font partie de ce livre, dessine à la mort, les inspire secrètement. Des mots qui ont illuminé mon enfance, insufflant la foi qui est aussi la beauté. J'en ai corrigé la métrique et ils font partie de ce livre. Dessine à la mort, les inspire secrètement. Des mots qui ont illuminé mon enfance, insufflant la foi qui est aussi la beauté. Insufflant la foi qui est aussi la beauté. Et ils font partie de ce livre, des hymnes à la mort, les inspire secrètement. Des mots qui ont illuminé mon enfance, insufflant la foi, qui est aussi la beauté.